Le livre de Monel, deuxième partie, les sœurs de Monel. La prédestinée. Sitôt qu'elle fut assez haute, Ilse eut coutume d'aller tous les matins devant sa glace et de dire « Bonjour, ma petite Ilse ». Puis elle baisait le verre froid et fronçait les lèvres. L'image semblait venir seulement. Elle était très loin en réalité. L'autre Ilse, plus pâle, qui se levait des profondeurs du miroir, était une prisonnière à la bouche gelée. Ilse la plaignait car elle paraissait triste et cruelle. Son sourire matinal était une aube blême, encore teinte de l'horreur nocturne. Cependant, Ilse l'aimait et lui parlait. « Personne ne te dit bonjour, pauvre petite Ilse. Embrasse-moi, tiens. Nous irons nous promener aujourd'hui, Ilse. Mon amoureux viendra nous chercher. Viens-t'en. » Ilse se détournait et l'autre Ilse, mélancolique, s'enfuyait vers l'ombre lumineuse. Ilse lui montrait ses poupées et ses robes. « Joue avec moi, habille-toi avec moi. » L'autre Ilse, jalouse, élevait aussi vers Ilse des poupées plus blanches et des robes décolorées. Elle ne parlait pas et ne faisait que remuer les lèvres en même temps qu'Ilse. Quelquefois, Ilse s'irritait comme une enfant contre la dame muette qui s'irritait à son tour. « Méchante, méchante, Ilse !» criait-elle. « Veux-tu me répondre? Veux-tu m'embrasser ?» Elle frappait le miroir de la main, une étrange main qui ne tenait à aucun corps apparaissait devant la sienne. Jamais Ilse ne put atteindre l'autre Ilse. Elle le lui pardonnait durant la nuit et, heureuse de la retrouver, elle sautait de son lit pour l'embrasser en lui murmurant « Bonjour, ma petite Ilse !» Quand Ilse eut un vrai fiancé, elle le mena devant sa glace et dit à l'autre Ilse « Regarde mon amoureux, et ne le regarde pas trop. Il est à moi, mais je veux bien te le faire voir. Après que nous serons mariés, je lui permettrai de t'embrasser avec moi tous les matins. » Le fiancé se mit à rire. Ilse, dans le miroir, sourit aussi. « N'est-ce pas qu'il est beau et que je l'aime ? » dit Ilse. « Oui, oui. » répondit l'autre Ilse. Si tu le regardes trop, je ne t'embrasserai plus, dit Ilse. Je suis aussi jalouse que toi, va. Au revoir, ma petite Ilse. À mesure qu'Ilse apprit l'amour, Ilse, dans le miroir, devint plus triste, car son amie ne venait plus la baiser le matin. Elle la tenait en grand oubli. Plutôt l'image de son fiancé courait, après la nuit, vers le réveil d'Ilse. Pendant la journée, Ilse ne voyait plus la dame du miroir, tandis que son fiancé la regardait. « Oh ! » disait Ilse, « tu ne penses plus à moi, vilain. C'est l'autre que tu regardes. Elle est prisonnière, elle ne viendra jamais. Elle est jalouse de toi. Mais je suis plus jalouse qu'elle. Ne la regarde pas, mon aimé. Regarde-moi. Méchante Ilse du miroir, je te défends de répondre à mon fiancé. Tu ne peux pas venir. Tu ne pourras jamais venir. Ne me le prends pas, méchante Ilse. Après que nous serons mariés, je lui permettrai de t'embrasser avec moi. Ris, Ilse. Tu seras avec nous. » Ilse devint jalouse de l'autre Ilse. Si la journée baissait sans que l'aimé fût venu, « tu le chasses !» criait Ilse, « avec ta mauvaise figure, méchante, va-t'en, laisse-nous » Et Ilse cacha sa glace sous un linge blanc et fin. Elle secoua un pan afin d'enfoncer le dernier petit clou. « Adieu, Ilse » dit-elle. Pourtant, son fiancé continuait à sembler là. « Il ne m'aime plus, » pensa Ilse. « Il ne vient plus. Je reste seule, seule. Où est l'autre Ilse? Est-elle partie avec lui ?» De ses petits ciseaux d'or, elle fendit un peu la toile pour regarder. Le miroir était couvert d'une ombre blanche. « Elle est partie !» pensa Ilse. « Il faut, se dit Ilse, être très patiente. L'autre Ilse sera jalouse et triste. Mon aimée reviendra. Je saurai l'attendre. » Tous les matins, sur l'oreiller, près de son visage, il lui semblait le voir dans son demi-sommeil. « Oh, mon aimée !» murmurait-elle. « Es-tu donc revenue ? Bonjour, bonjour, mon petit aimé !» Elle avançait la main et touchait le drap frais. « Il faut, se dit encore Ilse, être très patiente. » Ilse attendit longtemps son fiancé. Sa patience se fendit en larmes. Un brouillard humide enveloppait ses yeux. Des lignes mouillées parcouraient ses joues. Toute sa figure se creusait. Chaque jour, chaque mois, chaque année, la flétrissait d'un doigt plus pesant. « Oh, mon aimé, » dit-il, « je doute de toi. » Elle coupa le linge blanc à l'intérieur du miroir et, dans le cadre pâle, apparut la glace, pleine de taches obscures. Le miroir était sillonné de rides claires et, là où le teint s'était séparé du vert, on voyait des lacs d'ombre. L'autre Ilse vint au fond de la glace, vêtue de noir comme Ilse, le visage amaigri, marqué par les signaux étranges du vert qui ne reflètent parmi le vert qui reflète. Et le miroir semblait avoir pleuré. « Tu es triste comme moi, » dit Ilse. La dame du miroir pleura. Ilse la baisa et dit « Bonsoir, ma pauvre Ilse. » Et, entrant dans sa chambre, avec sa lampe à la main, Ilse fut surprise. Car l'autre Ilse, une lampe à la main, s'avançait vers elle, le regard triste. Ilse leva sa lampe au-dessus de sa tête et s'assit sur son lit. Et l'autre Ilse leva sa lampe au-dessus de sa tête et s'assit près d'elle. « Je comprends bien, » pensa Ilse, « la dame du miroir s'est délivrée. Elle est venue me chercher. Je vais mourir. »